Paul Hervieux, Attentat à la pudeur. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art libre. À Maurice Beaubourg. Un de mes premiers empressements lorsque j'eus revêtu la robe de stagiaire fut d'en profiter pour assister à une audience de huis clos. Dans la grande salle de la cour d'assises où l'appareil de la justice donne impassiblement la question à des âmes humaines, nous étions une dizaine d'avocats, vieux ou jeunes, en apparence graves et sceptiques, au fond agités par les caprices de la tante obscène qui sèche un peu la langue et met une lueur spéciale sous la paupière des plus hypocrites. Sur le banc d'infamie était assis, largement, un gros homme d'une soixantaine d'années, chauve, avec des moustaches blanches, de bonnes joues roses et des yeux bleus, très doux à fleur de tête. Monsieur Lacroix, maître d'une petite fabrique de produits chimiques. Lorsque j'arrivais, l'affaire était fort avancée. L'interrogatoire de l'accusé, la déposition des témoins avaient fait leur œuvre. Le réquisitoire commençait. Néanmoins, je fus vite au courant des faits. Monsieur Lacroix avait, 3 mois auparavant, conduit dans une chambre d'un hôtel meublé de Pantin une enfant de 12 ans, fille de son contremaître, fille unique, ainsi que le répéta plusieurs fois l'organe du ministère public. Mais la providence des vieillards débauchés ne lui avait accordé que 5 minutes de bon temps. La propriétaire du garni, habituée à ne favoriser que les ébats des couples mieux assortis, s'était avisée de venir soudain cogner à la porte. Monsieur Lacroix avait ouvert, tout vêtu, tout rouge, et, pris de peur, s'était enfui, abandonnant sa jeune compagne, toute vêtue encore, toute rouge aussi. La victime, ou plutôt la pseudo-victime, était là, assistant au débat sans paraître les écouter. C'était un affreux petit être, grêle, au teint bilieux, aux yeux frangés de cils sanguinolents. Pour se désennuyer, tantôt elle enfonçait les poings dans les poches de son tablier d'écolière, qu'alors elle tenait devant elle, fort, fort longtemps, longtemps, comme pour en faire une petite tablette bien lisse. Tantôt, par l'effort d'une main, elle superposait un à un les doigts raides et courteaux de l'autre. Elle avait ses cheveux dans un filet à mailles épaisses et d'un blond encore plus filasqueux, et les pieds dans des souliers blancs de première communion, qui avaient dû être mis de côté pour servir à un renouvellement, et que la solennité de la comparution avait exceptionnellement tiré de l'armoire. 2 personnes encadraient la fillette. À gauche, la propriétaire du garni. Une femme carrée, blafarde, dont la figure et la mise décolorée, fanée, flétrie, semblait avoir reçu à la hâte, pour ce jour-là, ce coup de lessive et de plumeau superficiel, ne fouillant jamais sous les meubles, avec lequel elle avait dû mettre en état, 3 mois plus tôt, le cabinet de société loué à Monsieur Lacroix. À droite, c'était le père, un bel homme à figure blanche, dure et hâlée, à la fois rustique et martial. On eût dit un garde forestier, endimanché par sa redingote noire et le port d'une chaîne de montre en or. Je parierais que cette chaîne lui avait été donnée par Monsieur Lacroix. Quand l'avocat général conclut en requérant un châtiment exemplaire, le contremaître exhala un gros soupir et regarda à la dérobée son patron. Celui-ci tenait baissé ses yeux aimants et vagues, et sa tête, dont la grasse encolure, plissée hors de la chemise sous l'occiput, laissait filtrer des gouttes de sueur. À son tour, la défense eut la parole. La matérialité de l'acte, c'est-à-dire de la tentative d'acte, ne fut pas contestée. L'avocat se borna à en atténuer le caractère, en insistant sur l'âge de Monsieur Lacroix et sur le petit nombre de minutes qu'il avait eu, pour en corriger les inconvénients. Cet argument fit sourire quelques jurés et m'inspira un sentiment de gêne, celui d'une sorte d'humiliation inutile pour le patient. Puis le défenseur plaida les vraies circonstances atténuantes. Il retraça la vie de son client, toute faite de travail, de probité, de bienfaisance. Ce dernier resta paisible jusqu'au moment où il entendit rappeler l'époque de sa nomination comme répartiteur. Alors, il fondit en larmes, et son contremaître, qui s'en aperçut aussitôt, ne put étouffer un gémissement. Les pleurs sont toujours impressionnants sur les vieilles faces, comme l'apparition d'un fleuve dont je sais que la source est là-bas, là-bas. Il me communique une émotion profonde, parce que je songe qu'ils viennent de bien loin, qu'ils ont traversé bien des choses résistantes et charrié bien des poids. Ensuite, l'avocat ayant réservé cet effet pour la fin, révéla que M. Lacroix avait eu pour la famille de son contremaître des générosités fraternelles. Celui-ci était entré à son service 10 ans auparavant, dénué de tout et traînant à sa charge une femme paralysée. M. Lacroix, par une sympathie bien placée envers un sujet méritant, avait payé les frais du ménage, médecin, médicaments, obsèques pour l'épouse, et fait la position du veuf. À la citation de chacun de ses bienfaits, le père de la victime, hochant le front, exprimait « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai » dans des signes empressés et douloureux. Enfin, il y eut un résumé du président, rapide et froid. Le jury ne délibéra pas longtemps. Il usa d'indulgence et son justiciable ne se vit infliger que 2 ans de prison. Pour le prononcé de la sentence, M. Lacroix s'était levé et le père avait fait comme lui. Le condamné salua et remercia la cour avec une grande expression de politesse et de bonté. Et les gardes municipaux l'emmenèrent sans qu'il fît aucun mouvement de résistance ni qu'il montrât de faiblesse. Mais son contremaître se mit à crier désespérément comme un être à qui l'on arrache les entrailles. « Monsieur Lacroix ! Monsieur Lacroix !» Il se tourna vers la femme du garni et lui dit rudement « C'est vous qui êtes cause de tout !» Puis il prit sa fille en ses bras, l'embrassa éperdument, et tandis qu'il l'emportait, tout le monde l'entendit encore murmurer, dans une stupeur inconsolable et folle. « Monsieur Lacroix ! Monsieur Lacroix ! Monsieur Lacroix !»